suis toute confuse et je refuse de vous écouter plus longtemps car de pareils propos seraient compromettants. Si l'on nous entendait sans Jésus, capitaine, soit, pourtant je ne me résous à me taire que si vous me parlez de vous. Ça n'en vaut pas la peine. Si fait d'honneur, je veux savoir, ô ma charmante, ce qui vous plaît, ce qui vous tente, où vous prenez votre bonheur. Racontez-moi votre cœur. Mon cœur, monsieur, n'a pas d'histoire. Il est très calme, assez. C'est donc, monsieur, votre époux, suffit tout seul à le distraire. Pour moi, mon époux est un père, bienveillant et doux. Et s'il est un peu jaloux, c'est qu'il est sexagénaire. Le printemps à l'hiver unis, habite-t-il? Un enfant, j'espère, qui fait votre foyer joyeux. Comment en aurais-je, monsieur? Je vous l'ai dit. Pour moi, mon époux est un père. Et pour vous dire vrai, je crois qu'il n'aura jamais d'autre enfant. Voilà qui va des mieux, madame, que je meure sur mon âme. Si je ne deviens l'ami de Marie, parbleu, oui, de votre mari. Oh, monsieur, rendez-moi ma main, laissez-moi passer mon chemin. Le vôtre et le mien sont le même. Mon Dieu, ne suivez pas mes pas. Si je vous dis que je vous aime, monsieur, je ne vous croirai pas. Allons, allons, rendez-moi votre main. Nous suivons le même chemin. Non, non, non, non, je ne puis vous le rendre. Écoutez-moi. Je ne veux rien entendre. Écoutez-moi. Je ne veux rien entendre. Malgré tout, malgré vous, l'amour, ce gentil maître, saura faire reconnaître son pouvoir, quel que soit. Cette main, il me la fera rendre.